journaliste Ndiko Manyanga. L'ingénieur Albert Ndouaïa sur la mise en onde, bienvenue à cette édition de ce jeudi 11 février 2021. Donc voici d'abord les principales articulations. La ministre de la Communication appelle les journalistes au strict respect de l'éthique et de la déontologie journalistique. C'était ce jeudi lors de sa descente dans les médias privés, à savoir Machariki TV et la radio Isanganiro. Le dialogue entre le Burundi et l'Union européenne engagé depuis le 2 février continue selon un cadre du ministère en charge de la coopération étrangère. Malgré la correspondance des 43 députés européens adressés à l'Union européenne demandant que les sanctions contre le Burundi soient maintenues. Et plus de 300 millions de francs burundais entrés dans les caisses de l'État depuis l'usage de la nouvelle technologie informatisée de confection de la nouvelle carte de contrôle technique. Ça fait déjà une année. Vous entendrez dans ce journal le directeur général de l'Otraco. Voilà pour les titres. Captez Isanganiro, écoutez la différence. La Banque africaine de développement BAD salue les avancées du gouvernement en matière de développement du Burundi. Propos du responsable pays de la BAD de Burundi ce jeudi à la sortie de son audience à la primature. Daniel Ndoye indique que cette institution financière appuie dans les domaines du transport et de l'énergie. Il ajoute en outre que la BAD va appuyer les priorités du gouvernement, dont l'entrepreneuriat agricole. Je propose de le suivre au micro de Moïse Misako. Nous avons saisi cette opportunité pour saluer et féliciter son Excellence, Monsieur le Premier ministre, pour les bons résultats que le gouvernement sous son leadership a déjà réalisés dans plusieurs domaines. Également, les orientations éclairées de son Excellence, Monsieur le Président de la République. Nous avons parlé de nos programmes en cours qui est axé sur plusieurs secteurs, le secteur des transports notamment, avec plusieurs routes réhabilitées. Nous avons également parlé de l'appui de la banque au niveau du secteur énergétique, des projets en cours, des projets dans le secteur agriculture, avec des projets dans les régions de Kirundo, Muyinga, Ngozi, qui sont assez stratégiques. Nous avons également évoqué les perspectives, notamment dans le secteur de la distribution, de l'accès des ménages à l'électricité, de l'accès au crédit, notamment les petites et moyennes entreprises. Son Excellence, Monsieur le Premier ministre, nous a donné des orientations sur les priorités du gouvernement, notamment sur la priorité à mettre sur l'emploi des jeunes, la priorité à mettre sur l'entrepreneuriat agricole, également sur le développement des infrastructures d'envergure. Et nous avons bien noté ces orientations et ces conseils que nous mettrons en œuvre dans le cadre de la poursuite des discussions que nous aurons avec les membres du gouvernement pour avoir la mise en œuvre des politiques de développement de façon efficiente au bénéfice des peuples burundais. Toujours dans la coopération, le dialogue entre le Burundi et l'Union européenne engagé depuis le 2 février courant continu. Des informations en provenance d'un cadre du ministère en charge des affaires étrangères révèlent que la correspondance de 43 parlementaires adressée à Joseph Borrell, au représentant de l'Union européenne aux affaires étrangères, politiques et sécuritaires, trois jours après le début de ce pourparler, ne va pas arrêter ce travail. Des sanctions prises contre le Burundi devraient être maintenues selon cette correspondance de 43 parlementaires sur plus de 700 que comprend le Parlement européen. Les détails avec Erini Benikir. Trois jours après le lancement de ces pourparlers entre le Burundi et l'Union européenne, une quarantaine de parlementaires ont saisi le représentant de l'Union européenne aux affaires étrangères, politiques et sécuritaires pour lui montrer leur point de vue sur ce dialogue. Ces élus européens trouvent que ces violations des droits de l'homme s'observent encore au Burundi, ajoutant des discours de haine sur base ethnique et politique qui sont prononcés et encouragés par les cadres du pays, trouve-t-on dans cette correspondance. Ces députés disent que ces pourparlers sont essentiels, mais ne peuvent pas être envisagés tant que le Burundi n'a pas encore fait preuve d'amélioration de la situation des droits de l'homme au Burundi. Tous les 43 demandent que le mandat d'arrêt contre des défenseurs des droits humains et des journalistes accusés d'avoir trempé à la tentative de coup d'État en 2015 soit annulé, des mandats qualifiés d'injustes par cette institution européenne. De son côté, le Burundi rassure que les pourparlers engagés depuis plus d'une semaine se poursuivent. Selon un cadre du ministère burundais des Affaires étrangères, le nombre de parlementaires signataires de cette correspondance est insuffisant pour perturber ce dialogue. Autre chose mentionnée, c'est la volonté de l'Union européenne de négocier avec le Burundi. Le Parlement européen comprend 705 parlementaires depuis le 1er février 2020. Pour approuver une proposition, une majorité simple est exigée. Le Burundi est sous sanction de l'Union européenne depuis mars 2016. Vous n'avez pas Isanganiro? Vous ratez l'essentiel. Merci à Elini Bel Nibigira. Je vous le disais dans les titres, la ministre de la Communication appelle les journalistes au strict respect de l'éthique et de la déontologie journalistique. C'était ce jeudi lors de la descente dans les médias privés, à savoir Mashariki TV et la radio Isanganiro. Les détails avec Elini Bel Nibigira. Le ministre ayant la communication dans ses attributions, accompagné de ses collaborateurs, ont effectué ce jeudi une visite de travail à la radio Isanganiro. Lors de l'accueil de ses autorités du ministère, le directeur a exposé les activités que la radio Isanganiro effectue pour la communauté et a exposé quelques défis que la radio rencontre, notamment la difficulté du paiement en devises, de la redevance à l'Agence de régulation et de contrôle des télécommunications ARCT, alors que la radio fait face à l'insuffisance de moyens financiers. Silver Nakarutimana a profité de l'occasion pour demander des subventions de la part de l'État. Anise Niyonkuru, secrétaire permanent au ministère en charge de la communication, a témoigné de l'importance de la radio Isanganiro, non seulement pour la population locale, mais également pour les Burundais de la diaspora, notamment à travers l'émission Karadiridimba. La production des émissions sur les activités et le quotidien de la population, la vulgarisation du plan national de développement 2018-2027 pour le Burundi font partie des rappels que Chantare Nijimbere, ministre chargé de la communication, a adressé à la radio Isanganiro lors de cette visite. La ministre Chantare Nijimbere, qui a visité la radio Isanganiro et la télévision Mashariki l'avant-midi de ce jeudi, prévoit d'effectuer une descente dans la province de Gitega pour une visite des radios communautaires de la localité. Petit rectificatif, ce n'est pas Eli Nibel Nibigila qui a traité cet élément, mais plutôt Armel Moutone. L'actualité se poursuit à la radio Isanganiro. L'usage du nouveau système de confection des contrôles techniques pour véhicules et motos à l'office de transport Traco en sigle a renfloué les caisses de l'État par rapport aux années passées, comme le confirme le directeur général de l'Otraco, Albert Maniratunga, indique cependant que cette nouvelle technologie n'a pas pu démarrer à l'intérieur du pays comme prévu suite à la pandémie de coronavirus. Il appelle cependant les affiliés de l'Otraco provenant de toutes les provinces du Burundi à la patience pendant que leurs carnets de contrôle technique sont en cours de confection, suivait le directeur général de l'Otraco. On est passé de 3 500 000 par mois, ça c'était en 2016, mais pendant cette période pour relever les défis avec l'ancien système manuel, donc on est passé à 152 millions et plus donc par mois. Ça c'est l'argent qui rentre dans les caisses de l'État. Actuellement, avec la nouvelle technologie, la carte de contrôle technique informatisée, nous passons à plus de 300 millions par mois. Donc ce qui veut dire que ce défi a été relevé. La problématique que nous rencontrons aujourd'hui, c'est-à-dire c'est un projet gouvernemental qui se définit par de partenariats publics-privés, c'est-à-dire que notre partenaire devait normalement installer les équipements modernes plus l'informatisation ici au siège à Bujumbura de l'Otraco, ce qui est déjà fait. Mais la deuxième étape, c'était pour installer les mêmes équipements et l'informatisation dans nos agences qui se trouvent à l'intérieur du pays, à Gitega, Ngozi et Bururi. Mais le problème que nous avons rencontré, compte tenu que le projet a été inauguré le 11 février 2020 et le mois de mars, les conséquences sont tombées, le Covid, le coronavirus, a complètement donc bloqué les usines de production, surtout en Europe et partout dans le monde. C'est-à-dire, ici, on peut s'excuser auprès de la population burundaise de garder patience. Le problème que nous avons ici au Burundi, nous souffrons de la maladie de l'impatience. on ne garde pas patience. Aujourd'hui, bon, nous recevons environ 400 à 410 véhicules par jour. Ce qui veut dire que cet impératif demande la patience pour concernant les clients qui viennent, les compatriotes qui viennent faire le contrôle technique de leur véhicule. Il suffit quand même de garder patience et de respecter la queue. C'était là le directeur général de l'Otraco, Albert Maniratunga. Page santé à présent. Les malades sont bien accueillis dans différentes structures sanitaires du Burundi grâce aux réunions du ministre de la Santé à l'endroit du personnel de la santé. Propos du porte-parole du cadre d'expression des malades, Semabou, à l'occasion de la journée internationale des malades célébrée le 11 février de chaque année. Sylvain Habanabakizé donne exemple de l'accueil des victimes d'accidents qui sont pris en charge sans caution. Suivez Sylvain Habanabakizé. Il a été joué au téléphone par Omer Ndouayo. Cette journée arrive au mois où le SEMABU reconnaît un pas franchi sur les droits des malades ici au Burundi. Le SEMABU reconnaît qu'il y a une nette amélioration dans le respect des droits des malades, même s'il y a encore des lamentations. Les lamentations sont là, mais on reconnaît quand même qu'il y a une nette amélioration. On voit qu'il y a quand même des changements. On voit un investissement, une volonté manifeste du gouvernement via le ministère et via la santé de la population dans ses attributions. Ici, on peut donner un exemple qui clarifie quand même qu'il y a une volonté dans l'amélioration des droits des malades. On peut donner l'exemple, auparavant, on demandait une caution pour les gens qui viennent de connaître des accidents. Mais pour le moment, cette situation ne s'observe plus. Le ministère a obligé, a ordonné les agents de son ministère des différents hôpitaux d'accueillir d'abord les gens qui ont connu des accidents et exiger des cautions après 24 heures. Ça, vraiment, c'est un élément qui montre qu'il y a une nette amélioration. Mais aussi, vous savez que dans les années passées, il y avait des gens qui étaient emprisonnés dans différents hôpitaux du Burundi, mais pour le moment, on voit que le ministère de la Solidarité quand même s'est engagé pour appuyer ces gens. On ne voit plus beaucoup de gens qui sont incarcérés dans différents hôpitaux du Burundi. Nous apprécions positivement les appels lancés par les différentes autorités d'exiger ou bien de demander les agents de montrer un accueil courtois. Le SEMABU reconnaît qu'il y a quand même une nette amélioration au niveau de l'accueil. Le SEMABU se réjouit également de la distribution de nouvelles cartes biométriques de la mutuelle de la fonction publique à ses affiliés. Toutefois, Sylvain Habanabakizé interpelle la mutuelle de la fonction publique à s'impliquer davantage pour pallier aux lamentations de ses affiliés. Encore une fois, Sylvain Habanabakizé. Nous avons accueilli cette mesure très positivement, mais nous avons des inquiétudes quand même. On attendait des lamentations entre les dirigeants de la mutuelle et les affiliés de la mutuelle qu'il y a un mauvais accueil, que quelquefois les affiliés présentent des bons et ne reçoivent pas de médicaments prescrits par le médecin. Alors, au niveau de notre organisation, nous demandons, est-ce que la mutuelle de la fonction publique s'est engagée à prendre des précautions pour bannir ces lamentations, pour trouver solution aux lamentations et les affiliés. Votre appel alors? Nous demandons à la mutuelle de la fonction publique de voir comment s'investir davantage, planifier même des stratégies pour voir si ces lamentations puissent prendre fin. C'est ce que nous demandons à la nouvelle équipe de la mutuelle de la fonction publique. C'est possible de mettre des pourparlers, des négociations avec les affiliés pour trouver quand même des solutions afin que ces problèmes qui viennent de passer beaucoup d'années ne puissent pas se répéter. Nous demandons aussi à la direction générale de la mutuelle de prendre les mesures entreprises par le président de la République pour qu'il y ait quand même des pourparlers, des négociations afin de mettre fin aux lamentations qu'on observe il y a pas mal d'années. C'était Sylvain Habanabakizé, porte-parole du SEMABU. 47 millions de francs burundais, c'est la somme nécessaire pour évacuer en Inde Nilson Nifacha, âgé de 5 ans, souffrant de la maladie cardiaque. Un de ses parents rencontré à l'hôpital Roaralet de Bujumbura, où est alité. Ce petit garçon révèle qu'il vient de passer 5 ans sur le lit de l'hôpital. Il demande aux bienfaiteurs de leur venir en aide pour sauver la vie de Nilson Nifacha. Les détails avec Ornella Mucho. navutse mutima wuguruye amazi myaka 5 ari ngaha mu Nilson Ifasha donne l'apparence d'un enfant âgé d'une année et pourtant il a 5 ans avec 5 kilos. Sa tante qui en même temps garde malade puisque la mère de Nilson est également malade durant un mois précise que les médecins ont signalé que cela est dû à sa maladie cardiaque que l'enfant a depuis sa naissance. Ils habitaient à Changuzo. Sa mère était venue à Bujumbura juste pour un accouchement il y a 5 ans. Mais ils n'ont jamais quitté l'hôpital Roi Khaled. À la naissance, Nilson avait 4 kg 200. Mais aujourd'hui, il n'a que 5 kg à l'âge de 5 ans. Il ne parvient pas à manger facilement. Ils doivent utiliser la sonde pour le nourrir. Elle déplore les capacités de sa famille de faire soigner l'enfant en Inde. Elle demande aux âmes charitables une aide, surtout financière. Les médecins ont vu que cet enfant devait aller se faire soigner en Inde et nous avons juste besoin d'une somme de 47 millions et nous n'avons aucun sou jusqu'à présent. Pour ceux qui voudraient leur venir en aide, Nilson Ifasha est hospitalisé à l'hôpital Roi Khaled de Kamenge dans le service de pédiatrie, chambre numéro 208. D'autres peuvent passer à la radio Isanganiro. Voilà, merci Arunera mucho pour cet enfant qui a besoin des âmes charitables pour qu'il puisse aller se faire soigner à l'étranger. Page sécurité, un homme du nom de Jean-Claude Nganahe du quartier Mirango à mairie de Bujumbura a été trouvé mort le matin de ce jeudi juste à quelques mètres de son domicile. Les malfaiteurs de son meurtre n'ont pas été connus. Les voisins disent que cet homme était caractérisé par une bonne cohabitation envers les voisins. Ils demandent que les enquêtes soient menées pour identifier ces malfaiteurs pour que le mobile soit connu. Les détails, c'était dans le reportage de Mayonga, mais l'élément, monseigneur, de l'autre côté de la vitrine qui n'est pas disponible, nous allons y revenir dans nos éditions ultérieures. Mais à ceux-là qui viennent de nous capter en cours de route, voici le rappel des titres. La ministre de la Communication appelle les journalistes au strict respect de l'éthique et de la déontologie journalistique. C'était ce jeudi lors de sa descente dans les médias privés, à savoir Mashariki TV et la radio Isanganiro. Le dialogue entre le Burundi et l'Union européenne engagé depuis le 2 février continue selon un cadre du ministère en charge de la coopération étrangère. Malgré la correspondance de 43 députés européens adressés à l'Union européenne demandant que les sanctions contre le Burundi soient maintenues. Et plus de 300 millions de francs burundais entrés dans les caisses de l'État depuis l'usage de la nouvelle technologie informatisée de confection de la nouvelle carte de contrôle technique. Ça fait déjà une année, selon le directeur général de l'Outraco. À 13h15, voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Merci à Albert Ndouaye pour sa parfaite collaboration technique. À la présentation, vous étiez avec Evariste Nzikobanyanga. Un bon après-midi à toutes et à tous.